Join me on RIG. Oh, la marche, c'est un contrôleur de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Thierry Gallet et j'anime cette émission La Zaga des Femmes Fort ici sur RIG 90.7 pour la région bordelaise, pour le reste de la France, de l'Europe et du monde sur www.rigfm.fr. J'espère que vous vous portez bien. C'est La Zaga des Femmes Fort numéro 401 sur RIG et l'album de la semaine c'est All Things Must Pass de George Harrison, sorti en 1970, le premier album en solo de George Harrison, le premier album qui va marcher extrêmement bien, puisqu'il va être numéro 1 des deux côtés de l'Atlantique, et qui va surprendre tout le monde, puisqu'on attendait John Lennon ou Paul McCartney, ce sera le premier George Harrison. On écoutera, c'est un triple album, un album absolument fabuleux, qu'il faut avoir dans votre CD Tech. On écoutera My Sweet Lord, mais pour une fois, pour changer, vous aurez la version de l'an 2000, version légèrement différente, mais très très bien également. Il y aura What Is Life, il y aura Let It Down, il y aura Beware of Darkness. Évidemment, on ne pourra pas s'empêcher de passer Wawa et Isn't It a Pity pour conclure cette émission. Il y aura également du Lennon, du McCartney, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Look at Me de Plastic Ono Band en 1970. Paul McCartney nous chantera Dear Friend sur Wildlife en 71. Ringo Starr, lui, nous fera une chanson un petit peu surprenante, co-écrite ou écrite complètement, d'ailleurs je ne sais plus, par George Harrison. Ça s'appelle Sunshine, Life for Me, Sail Away Raymond sur l'album Ringo en 1973. Oui, le titre est long. Le titre est long. Pour les Beatles, ce sera encore George Harrison, mais avec les Beatles, avec For You Blue. Pour le reste, eh bien, je vous convie à rester sur la fréquence 90.7 et écouter pendant deux heures, parce que chaque mercredi sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis pour le reste, eh bien, on va laisser aller. Moi, j'ai la playlist entière, bien entendu. Vous, vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Rejoignez-nous sur Facebook et ce sera très, très, très bien. Le premier titre de ce fantastique album All Things Must Pass, c'est My Sweet Lord dans une version remaniée volontairement par George Harrison, une version qui date de l'an 2000. C'est maintenant sur RIG. Bonne soirée à vous toutes et tous. I wanna show you love, that it won't take long. sommes en 1970 et les quatre ex-Beatles prennent des voix presque opposées. George Harrison choisit de garder Phil Spector, avec qui ils ont bossé sur Let It Be, parce qu'il a bien aimé sa façon de faire finalement, même si 30 ans plus tard il le regrettera un petit peu. Et ça donne vraiment un maximum de son, un mur de son. C'était l'emblème de Phil Spector et c'est très bien comme ça pour faire son album All Things Must Pass. John Lennon, lui, après l'album Abbey Road, qui est censé être le dernier album enregistré, qui, d'ailleurs il n'est pas censé être le dernier album, il est le dernier album enregistré par les Beatles, donc un album très complexe, il choisit, lui, de revenir à la créativité pure, avec pratiquement rien, quelquefois juste des guitares et tout ça, le plus simple possible. C'est l'album Plastic Ono Band. McCartney fait à peu près pareil, il s'enferme chez lui et il crée l'album McCartney, qui est très simple finalement par rapport à Abbey Road. Quant à Ringo Starr, lui, il en fera deux l'année 1970, un album qui s'appelle Sentimental Journée, dans lequel il reprend des classiques des années 30-40 et il les reprend très bien. Et la même année, on lui propose de faire à Nashville un album de country, il s'en sortira très très très bien aussi. Bref, deux prennent presque la même direction et les deux autres prennent des directions totalement différentes. Voici John Lennon, tiré de l'album Plastic Ono Band justement, et Look At Me sur RIG. Ok. Yes, thank you. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Oh, my. thème du feu du groupe Les Wings, Paul McCartney en 1971 sur l'album Wings Wildlife. Télégramme sonore et main tendue à destination de John Lennon, Dear Friend est l'un des temps forts du disque. Son tempo est très lent, sa tension contenue, son climat brumeux et les intonations mélancoliques de la voix de Paul en font un titre profondément touchant et assez unique dans le répertoire de son auteur. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Il nous en reste un avant de retrouver les Beatles, c'est Ringo en 1973, une chanson écrite par George Harrison. Voici Sunshine Life for Me, Sail Away Raymond sur RIG. Oui, oui, c'est assez country et ça va très bien à la voix de Ringo Starr. RIG 90.7, la radio des Beatles. It's a sunshine life for me. Nous avons écouté George Harrison, John Lennon, Paul McCartney et enfin Ringo Starr. Il est temps de parler des Beatles. Et puisqu'on parle des Beatles, nous allons parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. C'est la saga. Morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl. Got nothing on this, baby. Loved you from the moment I saw you. You looked at me, that's all you had to do. I feel it now. Sweet and lovely girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. C'est sur l'album Let It Be, cette chanson-là. Terminée en six prises, For You Blue fut d'abord appelée George's Blues, tandis que le manuscrit original a pour titre « For You Blues ». George avait toujours été le Beatles le plus désireux de découvrir de nouveaux horizons musicaux, et cela le rapprocha de musiciens comme Ravi Shankar et Eric Clapton, par exemple. Cela l'incita également à toujours expérimenter de nouveaux réglages, instruments, styles et techniques. Écrite pour Patti, la chanson For You Blue est un exercice de style, George s'étant imposé de composer un blues traditionnel. Il ne fit qu'un commentaire sur ce titre. C'est un simple blues sur 12 mesures qui suit toutes les conventions d'une chanson en 12 mesures, sauf qu'il est optimiste. Bon, eh ben c'est déjà bien. Celle-là aussi est bien. Extrait de l'album de la semaine, All Things Must Pass, sorti en 1970, voici What Is Life, George Harrison en solo sur RIG. Time of day. It's all love. Si elle en a eu le temps, j'imagine que la patronne du Twist and Crepe, la seule crêperie qui est avec un décor de Beatles à Bordeaux, à Talence pour être précis, je suppose qu'elle a dû danser un rock endiablé. Merci à elle et bravo. Même si je ne vous vois pas, j'imagine que c'est possible. Les deux chansons suivantes sont les deux meilleures chansons avec les Beatles de George Harrison. Et ces deux chefs-d'œuvre, deux masterpieces. Voici à la suite sur RIG, Something et While My Guitar Gently Weeps. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. I'll just have cheese and lettuce and Marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. Yeah. Hold it, Harry. So it's okay, I sang, tried to do a smoky and I just aren't smoky. C'est dommage que ça s'arrête comme ça. Je vous ai proposé une version différente que vous retrouvez dans le nouvel opus, les 50 ans de l'album Blanc. Et il y a cette version qui est la troisième version différente de While My Guitar Gently Weeps. Et c'est la prise numéro 27. On retrouve Ringo Starr et je vous ai parlé tout à l'heure de cet album sorti également en 1970, Sentimental Journey. Voici un exemple de ces chansons des années 30-40 qu'il affectionne et pour lequel sa voix va très très bien. Voici Bye Bye Blackbird, Ringo Starr sur RG. Pack up all my cares and woe, here I go, singing low. Bye Bye Blackbird, where somebody waits for me. Sugar is sweet, so is she. Bye, bye, blackbird. No one here can love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Back up all my cares and woe, here I go, singing low. Bye, bye, blackbird, where somebody waits for me. Sugar is sweet, so is she. Retour à l'album de la semaine, l'album All Things Must Pass sur RG. C'est de George Harrison et voici le titre Let It Down. Thank you. fantastique chanson de George Harrison sur l'album All Things Us Pass en 1970. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four numéro 401 ici sur cette radio. On émet également sur le net, sur le www.rigfm.fr. J'espère que vous allez bien. On est ensemble jusqu'à 22h02, si on fait comme d'habitude. Et je vous propose John Lennon en 1975, une chanson que j'aime bien, Sweet Little 16 sur RIG. Listen to me if you wanna stay mine. That en 1964. Quelle très belle année. C'est sorti en face B de Can't Buy Me Love. Dans cette chanson, John, plutôt que de pleurer, s'essaie à la menace. Il dit à son ami que s'il l'attrape en train de parler à un autre garçon, il l'abandonnera immédiatement. Il sait ce que l'on ressent lorsqu'on est trahi et il est déterminé à ne pas laisser cela lui arriver une nouvelle fois. John expliquera plus tard que l'influence musicale la plus importante pour ce morceau avait été Wilson Pickett, un ancien chanteur de gospel d'Alabama qui n'avait alors sorti que 3 45 tours sous son nom en Amérique. Pour l'enregistrement de You Can Do That, John utilisa la Rickenbacker qu'il venait d'acquérir, tandis que George jouait de la 12 cordes pour la première fois sur disque. « Je m'ennuie à tenir la guitare rythmique tout le temps », annonçait John au Melody Maker. « Je préfère nettement faire des choses plus intéressantes. Le meilleur exemple est ce que j'ai fait sur You Can Do That. Les deux guitares n'avaient pas un rôle si marqué. » C'est bien parce que la guitare rythmique ne passe jamais vraiment sur vinyle. C'était ce qu'il pensait. Il a fait une manière assez curieuse, John Lennon, de prétendre que les chansons des Beatles, en tout cas ces chansons, étaient pas terribles, terribles. Alors que quand même, 50 ans, 60 ans bientôt après, on en parle encore sur RIG dans la saga des Fab Four. Un an plus tard, 65 sur Help, The Night Before, les Beatles sur RIG. C'est dans la saga en tout cas, de 1962 à nos jours, lorsque l'un des survivants, puisqu'il ne reste malheureusement plus que Paul et Ringo, sort quelque chose, eh bien on en parle, on l'écoute dans la saga des Fab Four. Voici extrait du dernier album en date pour l'instant de Paul McCartney, l'album Egypt Station, une chanson qui m'a beaucoup marqué, j'aime beaucoup, elle est positive, elle est bien. Voici Happy With You, Paul McCartney sur RIG. Sat around all day. I used to get stoned. I like to get wasted, but these days I don't, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Oh yeah. Around angry, I used to feel bad, but nowadays my day don't have to be sad, 'cause I'm happy with you. I've got lots of good things to do. Clear robin sing, walk a bluebell carpet, watch the children playing games, catch a moon and drop it, hear the gentle mantra roll on a frosty morning, see the mighty ocean break like a sailor's warning. Lots of good things to do. Oh yeah. Yeah. Throw a pocket full of coins in the Trevi fountain. See an ice cold running stream rushing down the mountain. Hear a newborn baby lamb calling for its mother. Watching reunited friends loving one another. I sat around all day. I like to get stoned. I used to get wasted, but these days I don't, 'cause I'm happy with you. Got lots of good things to do. Oh yeah. Une chanson positive, puisque en gros, globalement, il dit voilà, avant je buvais, j'étais mal, je faisais plein de bêtises, et puis maintenant je me sens bien avec toi, et du coup je fais plus rien, de tout ça, je me sens bien avec toi, donc merci d'être là, blablabla bla, bla, bla. C'est très bien, c'est très positif, merci Paul McCartney. Et puis surtout, ne nous refais pas la chanson que tu as osé nous donner en début 2019 là, avec l'autotune, c'est une horreur, alors que tu es capable de chanter correctement, comme le prouve cette chanson-là. On revient en arrière d'assez loin, puisque nous sommes en 1970, c'est l'album de la semaine, et cette chanson, Beware of Darkness, Monsieur George Harrison sur l'album All Things Must Pass, et c'est sur RIG. Watch out now, take care, beware of falling swimmers. Dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips. Parler de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George et que l'un d'entre vous peut reprendre ou un artiste connu peut reprendre également. D'ailleurs, ça peut être les deux. Peut-être qu'un artiste connu écoute la saga des Fab Four et même si les Beatles eux-mêmes chantaient déjà une reprise à l'origine. Et nous allons justement faire cela. Ce sont les pères P-A-I-R-S des Beatles, notamment Jerry Lee Lewis et Little Richard. Est-ce que c'est Little Richard? Oui, c'est lui, qui reprennent une chanson connue des Beatles. Et quelle chanson connue? C'est en 2006, je crois, laissez-moi regarder. Oui, 2006, sur l'album Last Man Standing. C'était un constat, parce que dans Jerry Lee Lewis disait de ceux qui avaient fait le rock'n'roll du début, eh bien, il n'y en a plus beaucoup, ils sont dans les dernières personnes qui sont encore debout. Ils chantent I Saw Her Standing There, les deux ensemble sur RG. 1, 2, 3, 4. She was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. Oh, how could I dance with another when I saw her standing there? Well, she looked at me, and I could plainly see, before too long I'd fall in love. Je vous ai déjà parlé de Ringo Starr qui a besoin qu'on lui montre ce que va donner la chanson et donc il le fait chanter par celui qui l'a créé, forcément. Ici, c'est Goodnight Vienna en 1974. Je vous propose d'écouter d'abord la maquette proposée par John Lennon à Ringo Starr. Ensuite, on entendra non pas la version du 33 tours qui est en deux parties, une au début de l'album, une à la fin de l'album, mais la version du 45 tours qui regroupe les deux ensemble et qui s'appelle It's All Down to Goodnight Vienna. Et c'est sur RIG. She was so beautiful, it made me uptight, I'm worn out. Let me try another. Can you hear what he's saying? Right. Okay. Hello, Richard. Une fois qu'on remet tout dans l'ordre et qu'on s'y attache, ça donne ça. Si on traduisait en termes actuels ce que dit Ringo sur la fin de la chanson, il dit « Restez là, c'est un petit break de 15 minutes et quand on va revenir, on va rejouer du sale une fois de plus. » Voilà, donc c'est plutôt sympa. C'était en 1974. Retournons encore en arrière et avec cette chanson « Norway John Wood ». John était notoirement le Beatle marié, mais son mariage n'était pas heureux et lui était infidèle. Il profitait du flot ininterrompu des admiratrices qui envahissaient les coulisses. Il reconnut avoir été photographié à quatre pattes devant la porte d'un bordel hollandais et avoua finalement à Cynthia en 1968 qu'il avait eu des maîtresses. Elle s'en est pas rendu compte, c'est vraiment qu'elle était un petit peu naïve, la pauvre. C'est un commentaire personnel. Norwegian Wood parle de l'une de ses liaisons en un langage codé que John réprouva plus tard. Cette chanson décrit une scène de séduction dans laquelle la femme semble encore une fois mener le bal. John commence par dire « J'ai eu une fille », mais se reprend aussitôt et ajoute « Ou plutôt, c'est elle qui m'a eu ». Elle le ramène dans son appartement et lui fait admirer ses meubles en pin de Norvège, Norwegian Wood, un bois à la mode à l'époque. Après avoir discuté et bu jusqu'à 2h du matin, elle annonce qu'il est temps d'aller se coucher. Dans la chanson, il s'excuse et va dormir dans la baignoire. Mais la réalité a dû être quelque peu différente puisqu'il expliqua qu'il s'agissait de l'histoire d'une infidélité. Écrite de façon à ce que ma femme ne s'en doute pas. Pete Shotton, son ami d'enfance, révéla plus tard qu'il s'agissait d'une journaliste proche de John. John composa Norwegian Wood en février 65, alors qu'il prit des vacances à Saint-Moritz en Suisse avec Cynthia, George Martin et sa future femme Judy. Il demanda plus tard à Paul de l'aider à écrire la fin de cette chanson et Paul lui suggéra de conclure par l'incendie de l'appartement. D'après Pete Shotton, il s'agit probablement d'une allusion au fait que John avait l'habitude de brûler des meubles dans la cheminée lorsqu'il habitait alors Gambier Terrace à Liverpool, pense qu'on dit comme ça. À l'époque, John demandait également souvent aux amis qui restaient pour la nuit de coucher dans la baignoire, idée qui fut également reprise dans cette chanson. Norwegian Wood se distingue également des autres morceaux de Rubber Soul, puisqu'il s'agit de l'album Rubber Soul, par l'usage d'un sitar, instrument qui apparaissait pour la première fois sur un album pop. George Harrison était fasciné par le sitar depuis le jour où il l'avait découvert durant le tournage de Help aux Bahamas. Il en étudia plus tard la technique avec le grand maître indien Ravi Shankar. Moi, j'avais entendu Ringo Starr dans les années 80. Il avait fait une émission qui s'appelait Yellow Submarine, comme évidemment, il fallait s'en douter. Et il avait dit, il avait apporté le sitar dans le studio d'enregistrement et on lui avait dit, tu sais en jouer? Il avait dit, ben, pas trop, mais je peux te jouer Norwegian Wood. Voilà comment ça a débuté, soi-disant. Thank you. je sais que pour cette chanson, vous allez monter le son aussi fort que vous allez pouvoir. C'est un mur de son obligatoire, c'est une chanson extraordinaire. Il parle de la pédale wah-wah qui aide à faire un son bien particulier à la guitare. Voici wah-wah sur l'album de la semaine, l'album All Things Must Pass, l'une des meilleures chansons de George Harrison. Et c'est sur RIG, forcément. Chez vous, montez le son. Ici, dans le studio, ça va être au maximum. I'm not afraid to be alone. comme le dit très bien Yann sur Facebook, parce que je lis tout ce que vous marquez, même si je ne le commande pas toujours, j'ai pas toujours le temps. Revolver est un sommet, et cet extrait de l'album Revolver le prouve. I want to tell you, George Harrison et les Beatles, évidemment. Je vous propose de retrouver Paul McCartney sur un album j'aime bien cet album. Il y a de bonnes chansons, pas tout, mais il y a de bonnes chansons. Light from Your Lighthouse, c'est The Fireman, alias Paul McCartney. C'était en 2008, et voici le titre que j'aime bien. When the sky is filled up with storms and heavy rain, and troubled stars sliding across the line, it's hard for me to see which road I've gotta take. I know I need to find a way to leave it all behind. Let's shine on, let's shine on. Let the lights from your lighthouse shine on me. Let's shine on, yeah, let's shine on. Let the lights from your lighthouse shine. Is filled up with storms and heavy rain, and trouble comes sliding across my mind. It's hard for me to see which road I'm gonna take. I know I need to find a way to leave it all behind. Let's shine on, let's shine on. Let the lights from your lighthouse shine. Let's go. Listen, dance. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Well, he took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, half past four. Fifth women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night, I didn't say late, for my home had a 19 gauge. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night, I didn't stay late, for a home had a 19 date. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Dans une vingtaine de minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, écoutons encore un extrait, le dernier extrait, hélas, de l'album de la semaine. Est-ce que c'est pas vraiment c'est dommage, quoi. Isn't it a pity? George Harrison, sur RIG, dans la saga des Fab Four. Montez le son, c'est l'une des plus belles chansons de George Harrison, encore une fois. Each other pain. musique, plus la musique, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout passer. Nous sommes en 1974 sur l'album Walls and Bridges. Voici Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox. John Lennon sur RIG. Hey. A breath. you've got. It's what you give. It's not how you die. It's how you live. It's not what you reap. It's what you sow. It's not what you keep now. It's what you let go. Well now, easy does it. Make this moment last. Don't worry about the future. Don't forget about the past. It don't really matter where I've been or what I've done. I'll just keep on searching for that island in the sun. And I'll keep searching. Island in the sun. I'm gonna find mine. It ain't on no map. Takes concentration. It won't fall into your lap. It ain't in the whiskey. It ain't in the drug. It could be a woman when she leads you to love. Easy does it. Wake this moment last. Don't worry about the future. Don't forget about the past. It don't really matter where I've been or what I've done. I'll just keep on searching for that island in the sun. And I'll keep searching. I'm gonna keep on searching. Once upon a time, I couldn't move without a slip. But now I stop hiding. I got so much more to give. I got so much more to give. I got so much love to give. Un effort, hein. J'avais encore un titre à passer. Dans quelques instants, ce sera Eric et son fantastique Johnny de A à Z. Merci à vous tous et toutes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four sur RIG 90.7 et www.rigfm.fr. A bientôt, ciao. mirror.